Ouais, je t'ai entendu. Alors attends, ça fait la boucle. Alors ça marche. Ouais. En écho. Ouais, ben bah, en fait t'as du son. Fais jouer un truc pour voir. Non mais c'est pas grave, c'est la boucle, elle se remet. J'ai un peu de mal. Moi j'entends pas. Non, tu peux pas m'entendre parce que j'ai pas de son. Ah ouais? Ah ouais, ok, parce que le micro il est allumé. Mais moi par contre je t'entends pas, tu vois. Mais je pense que c'est normal. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je vois que t'as du son, tu vois. Donc après, je vois qu'il y a du son, que ça module, tu vois. Là, normalement, tu m'entends plus, là. Et quand tu joues, vas-y. Joue pour voir. Ouais, vas-y. Non, je t'entends pas. Non. Mais je sais que ça module, donc ça va, mais. Ouais, c'est moi qui ai marqué ça. Sur le chat à droite, là. La touriste pas du tout. Je suis pas habituée à voter. De quoi? Cool, hein? Hein? C'est moi qui marque. C'est moi qui marque. Non, c'est. Ouais, je sais pas qui c'est qui a marqué ça. C'est moi. Ah ouais, mais attends, moi j'ai pas de. Ah ouais, ok, attends, y a un problème. J'entends même pas le son en général à part le métronome en fait. Ah ouais? Alors ça vient d'ordi d'Alice. Là ça. Ouais, là ça module plus là. Je vais te rappeler quand je serai chez Cédric que. Ah, parce qu'il faut que tu marques, tu vois, ta channel défaut là, machin, défaut channel, faut que tu marques basse, c'est tout, tout bête. Ouais. Si j'entends les autres. Guy, basses ou guitares ou tu dis... Cédric, je te rappelle. Ok. Ah bah c'est bon alors, ça a l'air de marcher. Ouais. Ouais, mais ça on s'en fout, ça c'est juste le toi qui marque... Tu marques ce que tu veux, mais c'est pas important. Ouais. Ouais, user, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Je sais pas, mais on s'en fout de ça. Rien à foutre. Ok, faut cocher la case. Quelle case? Transmit. T'as marqué transmit? Toi, tu l'as, toi, transmit. Je sais pas. Je vois, tu mets ce que tu veux. Je sais pas. Mais moi je m'en tape de ça, moi je veux le son, moi. Je m'en fous des petits pseudos. Réessaye avec le 8 pistes. Ouais, on y va. Bon bref, je te rappelle tout à l'heure, ok? Essaye de refaire la même manip avec le 8 pistes, parce que moi j'aurai plus de batterie après et ça va être un peu relou. Ok, vas-y, à toute.